Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Le 20 mars dernier, le duo rock français Bandi Bandi sortait Cavalcade, ce que la nuit ne dit pas, nouvel album. Alors forcément, Radio Le Zinc est sur les rangs. J'attends la tête à tête, l'espoir de te voir disparaître. Quand est-ce que tu sortiras de tes vieux schémas qui se répètent? Mais c'est mieux me connaître, d'avoir envie de me soumettre. Tu ne m'attraperas pas, je suis une comète. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai besoin de rien. Pas besoin qu'on me donne des leçons pour mon bien. Mon cœur n'a pas le temps de rester fidèle. Mon cœur n'a pas le temps, n'a pas le temps. attendre, rester fidèle. Mon cœur n'a pas le temps, n'a pas le temps. Mon cœur n'a pas le temps, rester fidèle. Mon cœur n'a pas le temps, n'a pas le temps. Et pour ceux qui ont de la mémoire, oui, Bandit sont des potes de longue date, surtout avec leur titre mot, qu'on se refait tout de suite pour une mise à jour. Apparemment, ce soir encore, Radio Lozinc sera rock'n'roll. Sans aucune émotion, des rêves plantés dans les cages, captifs sans raison, une histoire forgée dans la rage, une voix qui s'éteint sous pression. Et si demain n'était qu'une autre illusion, un mirage lointain perdu dans l'horizon, l'univers chavire, se plie sous les voiles, des étoiles qui s'éteignent dans les abysses, pas le monde se déchire, les espoirs s'effacent. S'éternise et terrorise dans un silence de glace. C'est dans les ténèbres du vide que nos âmes enfin libérées. un ciel éteint quand les sirènes brisent la nuit. Et nos rêves en exil, la violence et l'ennui peu à peu gangrènent la ville. Et si demain n'était qu'une autre illusion, un mirage lointain perdu dans l'eau. Éternise et terrorise dans un silence de glace. C'est dans les ténèbres de vie que nous avons enfin libérés. Tu vois dans les artifices pour en lâcher prise et vibrer. C'est dans les ténèbres de vie que le réveil a commencé. Il s'est mis qu'au fond d'un abîme, une lumière s'est mise. Ténèbres de vie que nos âmes enfin libérées. Tu bois de nos artifices pour en lâcher prise et vibrer. C'est dans les ténèbres de vie que le réveil a commencé. Il se dit qu'au fond de l'abîme, une lumière s'est mise à briller. Oui, Radio Zinc sur la très locale RVR, cela joue encore ce soir, rock and roll. Nos bibliothèques musicales sont pleines de rock dans Radio Lozinc. Mais non seulement le rock t'es pas mort, mais en plus ce soir ça rock en français. Attention, accrochez vos perruques et vos dentiers, ça va remuer! social, tu fais toujours froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin, le temps vers les cours ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens sans faille dans le matin. Mais cesse de faire le point, c'est plutôt les points. Pousse ta regret, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu fais tout sans froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Le temps passe, emmène la mémoire. Mais je garde quand même en moi toujours un peu d'espoir. connaître l'histoire de l'être. Lui raconter sa terre pour qu'il puisse alors enfin se sentir fier d'être autrement, d'être originaire d'un autre continent. Je voudrais garder le contact avec ce pays où je ne suis pas né, où je finirai bien demain par me retrouver en paix. Quand ils ne portent plus le même drapeau, si les chemins usés ont-ils une nouvelle peau. Cessez de vouloir à tout prix m'intégrer, c'est ce qui tue l'esprit, qui tue l'identité. Relevez la tête et dégueulez sa rage, on n'a pas d'autre choix. Oh, Après cette petite triplette constituée du Trust, du Bernie, des Silmarils et du FFF de Marco Prince, comment sortir la tête de l'eau? Aucune idée. Alors gonflez vos poumons, ça repart. T'aimes la culture, tu prends pour une pointure. moi je crois qu'au fond t'es un beau cochon. Et tu me saoules, saoules, saoules à me chercher comme ça. Tu provoques le lion qui rugit en moi. Des minés comme toi, j'en ai bouffé des pires. Est-ce que tu vois, petit patineur, ce que je veux dire? One, two, three, I wanna give my pearl tonight. Four, five, just gotta give my pearl tonight. One, two, three, I wanna give my pearl tonight. Four, five, just gotta give my pearl tonight. Mm-hmm. rock peut avoir la brutalité d'un trust ou le côté suave des filles de brune. Mais parfois, un gars à la guitare et un autre à la batterie arrivent aussi à nous décoiffer. Le viseur en plein milieu du cœur. J'étais presque à On dit souvent que le cuir répé des rockers en fait leur légende. Eh bien, les Bilbao Kung-Fu, avec leur jeunesse, nous prouvent le contraire. Et puis le rock parfois fait aussi des messages clairs. Mais en plus, ils peuvent pas porter plainte. Ils ont changé de nom. De toute façon, on s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National. Allez, pour finir, un petit chouchen et dodo sur ce ho-ho, bis à messieurs et bis à mesdames. 1, 2, 1, 2, 3. Le coup d'aller à la portière, je ramenais la mère Josiane usée, elle cuvette à l'arrière. On revenait de chez nos frères, on venait régler une sale affaire. Un gros coup, une livraison, 50 kilos, ça c'est un bon.